franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le drame du Bordeaux Vintimille, le jour où un jeune homme âgé de 26 ans fut agressé, puis jeté du train parce qu'il était algérien, et seulement pour cette raison. Ce drame se déroule pendant l'hiver 1983. Cette année-là, la France connaît plusieurs tournants économiques, d'abord, avec la rigueur, un processus qui met les socialistes sur la voie de la social-démocratie, là où nous sommes aujourd'hui. Politique, en septembre, c'est le Front National qui devient un acteur de la vie politique lors de la municipale anticipée à Dreux. Jean-Pierre Stirbois, candidat FN, s'allie avec le RPR et remporte la mairie. Premier coup de tonnerre qui en annoncera d'autres. Sociétal, enfin. Car cette année-là, le racisme ne frappe pas seulement aux portes des habitants de la ville de Dreux, non. Le ministère de l'Intérieur annonce l'assassinat d'au moins 5 maghrébins parce qu'ils sont maghrébins. Les associations de lutte contre le racisme en comptent, elles, 21. Face à la montée des violences, ces associations organisent une marche symbolique pour l'égalité et contre le racisme. Après un mouvement de 2 mois et plusieurs centaines de kilomètres parcourus, ils sont plus de 100 000 à accueillir la marche des beurs, comme on l'appelait alors. Il se trouve que 15 jours auparavant, Habib Grimzi, un Algérien, était assassiné dans un train. Alors, parler de cette affaire, c'est se plonger dans ces années-là, celles du racisme quotidien, des crimes et aussi des premières associations de lutte contre ce fléau. Au cours de l'émission, nous reviendrons sur le drame, sur son procès, nous suivrons le parcours des 3 assassins, de la victime et des passagers du train qui ne sont pas intervenus. Pour en parler en seconde partie d'émission, nous recevrons Jean-Baptiste Arand. Il était correspondant du journal Libération lors de l'événement, il a suivi toute l'affaire jusqu'au procès en 2013. Il a publié un ouvrage intitulé « Bordeaux Vintimille ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Philippe Pirard, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Alexandre Chenet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 19 novembre 1983, Oran, Algérie. Au début de la nuit, des hommes marchent vers une tente adossée à l'immeuble de la cité Saint-Hubert. Voisins, amis, famille entourent un vieil homme. Ensemble, ils récitent quelques sourates et saluent un par un ce monsieur, père de 12 enfants. Sa femme, elle, n'est pas descendue. Elle pleure en silence, entourée d'autres femmes dans un appartement situé au 7e étage. C'est ici que vivait leur fils aîné, Habib Grimzi. Habib est né un jour de mai 1957. C'était le temps de la guerre d'indépendance, le temps des événements d'Algérie, comme les appelaient alors les gouvernements français. Après 8 ans d'une guerre qui ne voulait pas dire son nom, les Français et les Algériens se séparent, amis ou frères ennemis. De ces années de troubles graves en Algérie, Habib ne porte en lui ni haine, ni fierté. Comme beaucoup, ses parents traversaient la guerre d'indépendance au milieu des balles et des bombes lancées par les 2 camps, prises en étau entre les descendants des soldats français et celles du FLN. Habib n'y est pour rien. Pourtant, c'est peut-être le souvenir de cette guerre qui va l'assassiner. Habib Grimzi est l'aîné d'une famille de 12 enfants. Après une scolarité interrompue pour aider ses parents, il est embauché comme agent de sécurité dans un dépôt de la Naftal. Il fait les 3-8, scrute les arrivées et les départs, vérifie les bons de commande. Il fait le job, plutôt bien d'ailleurs. On le dit calme, sérieux et serviable. À la cité, on a la même image de ce jeune homme. On l'aperçoit souvent accompagner ses frères pour leurs activités sportives ou autres, ou sa mère au marché. Il est un fils aîné, comme on se l'imagine tous, attentif et reconnaissant envers ses parents. Quand il n'est pas à la mosquée, c'est sur les terrains de foot qu'on l'aperçoit au milieu du terrain. On aperçoit sa silhouette, toute fluette. En 1982, il profite de quelques économies pour découvrir l'Italie. Un an plus tard, c'est en France qu'il souhaite séjourner, le temps d'un voyage. De notre pays, il connaît l'histoire, bien sûr, l'actualité qu'il regarde à la télé, son championnat de football grâce au magazine France Foot qu'il lit assidûment. Et Florence, oui, voilà plus d'un an qu'il correspond avec cette jeune fille de la région de Bordeaux. Ici, pas de profil Facebook ou de compte Instagram pour suivre la vie de l'autre. En ce temps-là, c'est par l'imagination et la lecture de 2 lettres par semaine qu'Habib découvre la France et la vie de cette jeune femme. Il a 26 ans et dans les mots de cet inconnu, il se prend à rêver de l'autre, à croire en des sentiments cachés entre les lignes, à imaginer une vie à deux. C'est pour elle qu'il quitte l'Algérie le 9 novembre. Au même moment, en France, le président algérien Benjedid Chadli termine son voyage, le premier d'un chef d'État algérien en France depuis l'indépendance. C'est important. 20 ans après les accords d'Évian, l'hymne national algérien, le Kassaman, et la Marseillaise retentissent de concert. De ce conflit, les deux présidents ne veulent pas faire table rase, bien sûr, mais intégrer l'idée qu'ils s'inscrivent dans leur histoire commune. Quand le chef d'État algérien quitte la France, Habib, lui, arrive à Marseille, par bateau. Il prend un train, direction Bordeaux. Florence est là. Ils se saluent sans échanger un baiser, le corps est plus timide que les mots. Ils marchent ensemble, elle lui fait visiter sa ville, puis lui présente son fiancé. Aïe, elle a déjà quelqu'un. Et puis elle lui présente ses parents, chez qui il dormira une nuit, malgré tout. Florence avait hésité à accueillir ce jeune homme au domicile familial, car son père avait été appelé en Algérie pendant la guerre, c'était compliqué. Pourtant, la rencontre est chaleureuse. Habib a dormi sur place dans la chambre d'amis, mais ne voulant pas déranger, il avait même refusé de se faufiler dans les draps. Le lendemain, il quitte la jeune fille pour rejoindre Marseille et son bateau. À 22h27, le train numéro 343 quitte la gare de Saint-Jean à Bordeaux. Habib s'installe dans un compartiment du wagon 113, casque de Walkman sur les oreilles. Le lendemain matin en France, à Saint-Savin, et en Algérie, à Naftal, on annonce aux infos. Crime raciste la nuit dernière à bord du train Bordeaux-Toulouse. 5 légionnaires ont pris à partie, sans raison, un homme d'origine nord-africaine. Cela ressemble beaucoup plus à de l'acharnement de type raciste. Habib Krimsi a été jeté par la fenêtre du train Bordeaux-Vintimille. Un légionnaire et 4 jeunes recrues ont attaqué un voyageur de 26 ans dont le seul tort était d'être algérien. De se trouver là, présent, de voyager dans le même wagon, de ce même train. Le train roulait entre Castelsarrasin et La Ville-Dieu. C'est là que son corps a été retrouvé. Après avoir été proprement massacré par de futurs recrues de la Légion étrangère. Un homme est mort, assassiné, jeté d'un train parce qu'il venait d'ailleurs. Il avait 26 ans, il était algérien, il s'appelait Habib Grimzi. C'était en France, dans la nuit du 14 au 15 novembre 1983. Un mois plus tôt, jour pour jour, le 15 octobre, à Marseille, une dizaine de jeunes immigrés entament une marche pour l'égalité et contre le racisme. Beaucoup s'en souviennent sous le nom que le journal Libération lui donna, la marche des beurs. Parmi ces inconnus qui prennent le bitume, il y a Toumi Djaïda. Il a 21 ans, il est fils de Harki. La France, il la rencontre à l'âge de 6 ans, en 1968. Il vit d'abord dans une cité de transit, puis dans un HLM aux Minguettes à Vénissieux. Au début des années 80, il lance l'association SOS Avenir Minguette pour dénoncer le harcèlement policier. Pendant l'été 1983, il vient en aide à un jeune attaqué par un chien policier. L'agent lui tire dessus et le blesse grièvement. C'est sur son lit d'hôpital qu'il imagine cette marche pour lutter contre le racisme et pour l'inégalité contre l'inégalité des chances. Un mois après son lancement, ils sont de plus en plus nombreux à marcher le long des routes, le temps d'une journée, d'une semaine, avec ces jeunes gens qui cheminent en file indienne, jeans et baskets blanches, bonnets et cols roulés de toutes les couleurs. À chaque étape, le collectif organise des rencontres, projette des films, parle du racisme quotidien, des discriminations au travail, dans la rue, avec la police. Le soir du premier mois de marche, ils auraient dû fêter ces centaines de kilomètres déjà parcourus. Non. Ce sont les larmes et l'incompréhension qui les étreint cette nuit-là. Car au petit matin, comme tous les Français, ils ont appris le drame du train Bordeaux-Vintimille. Au lendemain de l'annonce, différentes associations et partis politiques réagissent. L'Amicale des Algériens en Europe parle d'un meurtre odieux perpétré par de lâches assassins obéissant aux incitations racistes qui se développent en France dans certains milieux. L'Union des communautés juives de Paris et de la région parisienne dénonce, elle, je la cite, « les graves et sauvages manifestations de racisme qui se développent en France et tient à manifester sa solidarité sans faille avec la communauté maghrébine en France ». Jean-Claude Guessot du Parti communiste caractérise ce crime de « fasciste, odieux et prémédité ». Du côté du gouvernement, c'est son porte-parole, Max Gallo, qui exprime son indignation et la détermination des autorités. La justice étant saisie de cette affaire, il lui appartient maintenant d'apprécier les faits et de punir les coupables. Mais le gouvernement tient à marquer son indignation et à exprimer sa détermination à lutter contre toutes les formes de racisme. Il appelle chaque citoyen à prendre conscience du fait que le racisme est un cancer qui ronge les fondements démocratiques d'une société. Le train 2343 à destination de Marseille, 20 000 évidemment va partir, fermez les portières, s'il vous plaît, attention au départ. Le jour même, quatre hommes, candidats à la Légion étrangère, sont déférés au palais de justice de Toulouse. Ils se sont rencontrés sans doute pour la première fois dans le local de recrutement de la Légion ou bien sur le quai de la gare de Bordeaux le 14 novembre. Ce jour-là, ils ont tous dans la poche un billet direction Aubagne, où ils doivent passer des tests d'aptitude physique et intellectuelle. Quand ils montent à bord du train Bordeaux-Vintimille, ils sont accompagnés par le brigadier-chef recruteur Joseph Loguel. Sont-ils déjà ivres ? L'un des quatre candidats l'est apparemment assez pour s'allonger et s'endormir. Pour les trois autres, la nuit ne fait que commencer. Moins de deux heures après le départ du train de Bordeaux, ils agressent à deux reprises Habib Grimzi, puis le jettent du train en marche. Les trois individus sont arrêtés le jour même, deux à la gare de Toulouse, le troisième sur le quai d'Agen. Pourquoi l'ont-ils agressé puis assassiné ? Eh bien parce qu'il était arabe. Du moins c'est ce que l'on lit dans la presse du lendemain où des passagers qui ont entendu des insultes telles que « sale bougnoul » ou « sale melon » témoignent. Mais aussi dans les mots des assassins, parmi lesquels Elviro Vidal qui déclare aux policiers « j'avais bu, c'était un arabe et je n'aime pas les arabes ». Au palais de justice, quand ils sont présentés au procureur, l'un d'entre eux, Marc Béhanni, joue le fier à bras. Il se lève et sourit à la caméra. Béhanni, c'est l'archétype de la brute épaisse. Un crâne rasé sur un tas de muscles, le regard vide, la tête pleine d'eau, une chaîne autour du cou. Ont-ils des remords ? Apparemment non, selon le procureur Jean-Claude Brignol, qui s'exprime au micro d'Antenne 2. J'ai honte de ce qui s'est passé. Je dois dire d'ailleurs que j'ai la conviction que ce sentiment n'est pas partagé obligatoirement par les accusés. Les témoins ont été retrouvés ? Je vous le dis sous toute réserve, non, personne n'a été retrouvé. Est-ce que les policiers reconnaissent le caractère raciste de leur agression ? Non, c'est la question que je me suis bien sûr posée. Je l'aurais posée à chacun des trois à cette question-là. Il y en a un, d'abord, je vous le dis tout net, qui n'a pas compris ce que je disais. Il n'a rien compris du tout. Ils ne savent pas ce que c'est que le racisme. Il y en a même un qui ne sait même pas ce que c'est un homicide. Et les deux autres, non, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas racistes du tout. Au contraire, même... Surtout celui qui est de nationalité espagnole, c'était pas du tout ça qu'il avait... Mais comment justifie-t-il à ce moment-là l'agression ? Eh bien par un regard insolent de cette victime qui était assise dans un compartiment. Le lendemain, dans un Strasbourg désert, les marcheurs contre le racisme et pour l'égalité déposent une gerbe en mémoire d'Habib Grimzi. Trois semaines plus tard, ils sont 100 000 à les accueillir et à marcher contre le racisme. Le 14 novembre 1983, ils étaient 84 passagers dans les deux wagons où Habib fut agressé. Combien lui sont venus en aide ? Combien ont fermé les yeux ? Lord, I'm 500 miles away from home. tanks along the square. One man stands and stops in there. Someday soon the tide will turn and I'll be free. Ooh, ooh. You can hear the whistle blow 500 miles. Mercredi 22 janvier 1986, Montauban. Plus de deux ans après les faits, s'ouvre le procès des assassins d'Habib Grimzi, jeté d'un train en marche un soir d'hiver 1983. Aux abords du palais de justice, des CRS ont été déployés pour éviter toute manifestation et altercation. Les journalistes sont là, comme les badauds, ainsi que des responsables d'associations de lutte contre le racisme. La salle est pleine. Le procès s'ouvre, il durera trois jours. Sur le banc réservé aux familles, ne s'assoit qu'un homme et une femme. Sans dire un mot, discret, la tête basse, ils viennent assister au procès des meurtriers de leur fils. À 9h, le président Villemain fait entrer les trois accusés, Marc Béhanni, Anselmo Elviro Vidal et Xavier Blondel. Deux années derrière les barreaux changent les hommes. On reconnaît à peine les trois gaillards qu'on avait aperçus lors de leur présentation au juge ou pendant la reconstitution du crime. Marc Béhanni, 22 ans, a laissé au vestiaire son crâne rasé, a laissé pousser ses cheveux. Désormais, il ne veut plus jouer les vedettes et il se cache dans ses bras devant les flashs des photographes. Le second qui s'installe, c'est Anselmo Elviro Vidal, 28 ans. Lui, c'est la barbe qu'il a laissé pousser. Il est élégamment habillé d'un pull grenat à col ouvert. Il semble décontracté, c'est pourtant lui qui a jeté la victime du train. Puis vient Xavier Blondel, 26 ans. Il a taillé sa moustache, serré sa cravate et s'est donné un coup de peigne. Trois hommes, trois parcours qui les ont tous menés ce 14 novembre 1983 dans le train 343 en direction de Vintimille. Marc Béhanni est un fils de rapatriés des Français d'Algérie qui ont quitté leur terre au lendemain de la guerre. Son adolescence, il la passe à se faire remarquer par de petits délits. Il pique de l'argent et chaparde l'échec à sa propre famille. Il aime les filles et la bagarre, les voitures et les films d'action. À la sortie de l'école, dont il s'échappe très vite, il tente sa chance à l'armée, puis il est refusé pour inaptitude médicale. À la barre, son ancienne directrice le décrit comme un être primaire, bestial, présentant des tendances psychopathes. Xavier Blondel, lui, est plutôt un animal boiteux, un peu frêle. Toute son enfance est jonchée de graves soucis de santé. Cinq mois avant son arrestation, il est victime d'une crise cardiaque, alors qu'il n'a pas encore 25 ans. Sur son lit d'hôpital, il apprend que sa femme est partie avec leur fille. À la barre, ses beaux-parents le décrivent comme un homme violent. Pourquoi a-t-il voulu s'engager dans la Légion ? Il savait qu'il serait refusé. Pour le troisième, Anselmo Elviro Vidal, le parcours est plus compliqué. Espagnol, fils d'une famille d'officiers de l'armée, il suit des études brillantes dans un lycée prestigieux et religieux à Palma de Mallorca. À 18 ans, son père l'enrôle de force sous le drapeau franquiste. Il refuse de porter les armes, ce qui lui vaut 4 ans de prison. Plus tard, après sa sortie, ce sont ses amitiés avec des membres de l'ETA qui lui valent des interrogatoires musclés. Il sera torturé. Son pré-engagement à la Légion devait être le moyen d'un nouveau départ, comme l'explique en 1984 son avocat, Maître Catala. Très rapidement, il a revendiqué le droit de dire qu'en aucun cas et d'aucune façon, le meurtre, qui avait été le sien et celui des deux autres, était un meurtre raciste. Partir en France, pour lui, c'était recommencer une nouvelle vie. Seulement pour rester en France, encore faut-il avoir un statut. Et le seul statut qu'on pouvait lui donner, c'était la Légion qui pouvait le faire. Et donc, de ce fait, il a rentré dans la Légion et il espérait faire un travail utile dans un encadrement bien précis au sein de la Légion. Le premier jour du procès, Anselmo Elviro Vidal fait cette déclaration étonnante. « Je demande que me soit infligée une peine maximale pour ce crime dégueulasse. » Dégueulasse aussi est l'absence du brigadier-chef recruteur Joseph Loguel. C'est lui qui avait la charge d'accompagner ses hommes à Aubagne. Au procès, comme la nuit du drame, il enfile le costume du déserteur. Mais il n'est pas le seul. Ils sont des dizaines ce soir-là, simples voyageurs, à préférer un train à l'heure plutôt que de sonner l'alarme pour éviter l'horreur. Comme le recruteur de la Légion, beaucoup n'ont rien vu, n'ont rien entendu. En mars 1984, les journalistes Jean-Charles Deniau et Philippe Audiguet réussissent à trouver trois personnes présentes dans les deux wagons du drame qui acceptent de témoigner pour le magazine Vendredi. Le premier le fait à visage découvert. Il est étudiant à Toulouse, il s'appelle Frédéric. Il est allé à Bordeaux, seul. La seconde est une femme, Germaine. Elle ne souhaite pas qu'on voit son visage. Au son de sa voix, on reconnaît l'Italie et un certain âge, comme on dit. Elle monte dans ce train à Agen, son mari l'accompagne jusque dans le wagon. Il l'embrasse, puis la laisse en compagnie de quatre autres personnes dans le compartiment. Quatre personnes, dont deux militaires. Qu'a-t-elle entendu ? Deux hommes criaient « sale arabe », puis un troisième. Elle a vu les trois assassins. Et après, j'ai vu ce jeune là, après qu'il y allait, de temps en temps, vers le fond. Il revenait, et ils ont fait ça comme ça, trois ou quatre fois. La troisième fois, j'ai vu le petit là, espagnol, qui y était aussi. Ils étaient trois. Oui. Est-ce qu'ils étaient sous? Non. Ça, ils n'étaient pas sous. Pourquoi? Si ça aurait été sous avec le balancement un peu du train, ils n'auraient pas marché droit. Hein? Pourquoi le train, il secoue toujours un peu. Hein? Oui. Hein? Là, il marchait bien droit. Alors, ils n'étaient pas sous pour moi. Hein? Frédéric a vu également des allers-retours dans le couloir entre 23h30 et minuit. Ce soir-là, l'ambiance dans la voiture était bruyante. De la musique, des gens qui parlent fort, et puis ces voix lointaines et brutales qui chantent et vocifèrent. Dans son compartiment, ils étaient quatre. Les rideaux étaient ouverts. Il se souvient d'un homme avec un couteau. Le seul truc, la seule chose qui soit... qui m'a vraiment marqué, c'est le type qui avait les cheveux rasés avec le couteau. Qui était juste là. Dans le couloir, qui est une position agressive, hein, en voulant aller vers le fond du couloir, qui a duré, il est resté comme ça figé pendant une seconde. C'était le seul moment où j'ai vu quelque chose de... Vous avez eu peur ? On s'est regardé dans le compartiment, puis on s'est dit, mais ils exagèrent, quoi. Ils sont hyper excités, quoi. Quel est le civil qui sépare des militaires qui essayent de se battre ? Vous n'avez jamais, à aucun moment, vu la victime, Grimsy ? Non. Jamais. Alors qu'évidemment, la victime est passée par là. Mais j'ai rien vu. Derrière ces allers-retours, deux agressions. La seconde charge est la plus violente. Les trois hommes frappent Habib à coup de tête. Coup de boule, comme disent les adeptes de ce geste délicat. Puis le mettent à terre et lui assènent coup de poing et coup de pied. Marc Béhanni le poignarde à deux reprises. L'un de ses coups de couteau traverse l'omoplate gauche. Tout se passe sur la plateforme du train. Des dizaines de gens entendent sans doute Habib crier et se débattre. Frédéric, lui, se souvient d'un son de porte qui claque. Il y a beaucoup de bruit que j'ai entendu. Mais je ne sais pas si c'est avant, si c'est après. La seule chose qui... Je me souviens très bien, on s'est regardé avec l'étranger, je crois que c'est un Anglais ou peut-être un Allemand qui était avec moi, c'est qu'on a entendu la porte claquer. On s'est regardé et puis on s'est dit, c'est pas possible. C'est une sorte de mauvaise image, comme bien bon après on dit c'est pas possible, quoi. C'est pas Agatha Christie tous les jours. Quoi. Vous avez on n'a pas cru du tout. Quoi. Vous avez imaginé qu'on aurait pu balancer quelqu'un par la porte ? Non. Non. C'est le bruit qui nous a fait tressaillir. Quoi. Habib Grimsy n'est plus dans le train. C'est en ces mots Elviro Vidal qui a donné l'ordre. Alors Blondel a ouvert la porte, Elviro Vidal lui a poussé Habib du train, qui roulait alors à plus de 90 km/h. On retrouve son corps sans vie au point kilométrique 190 au lieu dit Fourrières-Sibas, sur la commune de Castelsarrasin. Habib est mort sur le coup, sans doute, en se cognant la tête à une borne ou au pied d'un poteau indicateur. Sa valise est retrouvée quelques kilomètres plus loin. Le 15 novembre, les policiers ramassent un par un les derniers souvenirs de la victime, éparpillés sur les rails. Des vêtements, une pellicule photographique et quelques lettres, sans doute. Le dernier homme qui lui a parlé ce soir-là avec humanité, c'est Vincent Pérez, le contrôleur du train. C'est le seul qui lui est venu en aide. deux ans après le drame, il fait face à ses responsabilités une nouvelle fois. Au troisième jour du procès, il témoigne face aux jurés et devant les accusés. Vincent Pérez est un homme d'une quarantaine d'années. Le visage doux et rond, les cheveux grisonnants, il porte de larges lunettes carrées, typiques du début des années 80. La première image d'Habib dont il se souvient, c'est celle d'un jeune homme avec un casque sur la tête, le Walkman à la main. Des trois candidats à la Légion, il se souvient du chahut et de leur invitation à boire un verre de whisky avec eux. Il refuse et leur demande au contraire un peu de calme. À Agen, il fait une nouvelle ronde de contrôle. C'est à ce moment que j'ai découvert Habib Grimzi sur la plateforme de la voiture 113. Il était accroupi, la tête vers le mur, il pleurait. Il m'a dit qu'on l'avait frappé. Il a refusé de me désigner son agresseur. Je l'ai réconforté, je lui ai proposé de le conduire à l'avant du train de l'autre côté des couchettes où il aurait été en sécurité. Il a refusé, car il ne voulait pas repasser devant ses agresseurs. Je l'ai conduit à son compartiment pour qu'il prenne ses bagages. Il n'a pas voulu rester avec d'autres voyageurs, ce qui l'aurait peut-être protégé. Il a préféré demeurer seul. Je l'ai réconforté, nous avons parlé de la terre d'Algérie, d'Oran, où j'ai vécu longtemps. Je lui ai dit qu'à Montauban, je viendrais le chercher pour le conduire par le quai jusqu'à l'avant du train. Et j'ai fermé le wagon à clé. Vincent Pérez fait assez vite le rapprochement entre ce jeune homme agressé et le compartiment des apprentis légionnaires. Alors il y va et demande qui est le responsable des coups contre le jeune homme. Il insiste à plusieurs reprises. Puis, Elviro Vidal répond « C'est moi. Excusez-moi, quand j'en vois un, j'ai envie de taper dessus. » Face à la situation, le caporal rassure le contrôleur et lui promet de veiller sur ses hommes. À la barre, au procès, le contrôleur poursuit. Je suis allé m'occuper des voyageurs sans billets. Dans le couloir de la voiture 113, j'ai vu Elviro Vidal, Béani et Blondel qui revenaient de la queue du train vers leur compartiment. Ils étaient silencieux. J'ai découvert qu'il manquait une vitre entre les deux wagons. Habib Grimzi n'était pas là. Il avait disparu. Je l'ai fait rechercher. Il y avait du sang partout sur la plateforme et la trace de doigts le long d'une vitre, comme si on avait voulu s'agripper. À Montauban, j'ai demandé que la police de Toulouse soit prévenue. J'ai fait tout de suite le rapprochement avec les militaires, verrouillé la voiture 113 et je me suis mis à la recherche des témoins. La plupart m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu, rien entendu. Dans les deux voitures du drame, la 113 et la 114, il y a 26 manettes rouges qui permettent de déclencher le signal d'alarme. Or, cette nuit-là, personne n'a eu l'idée de les actionner. Pourtant, Habib n'a pas été tué dans la discrétion. Après la première réprimande du contrôleur Pérez, les voyous avaient la ferme intention de retrouver leur future victime. Enragés, ils ouvrent alors chaque compartiment et vérifient s'ils s'y trouvent. Au bout du wagon, ils constatent que la porte est bloquée. Alors ils essaient de l'ouvrir, puis ils la forcent. Et c'est là qu'il retrouve Habib, le tabasse, le poignarde à deux reprises et le jette du train. À la fin de ce troisième jour d'audience, on donne la parole à la famille. Le père, venu d'Algérie, se rapproche à petits pas de la barre. Depuis trois jours, il reste stoïque sous son petit bonnet. Le regard fixe, il écoute sans très bien comprendre le français. Pourtant, à travers ses mots, ne ressort ni colère, ni haine. Il déclare juste... J'ai confiance en la justice française. Mon fils travaillait pour nous, nos 12 enfants, pour sa mère. Il voyageait parce que il était jeune et pour acheter des souvenirs aussi. Mon fils, je l'ai élevé comme un arbre. Et alors que cet arbre allait porter ses fruits, on l'a arraché. Le lendemain, la justice prononcera son verdict. Samedi 25 janvier 1986, dernier jour du procès. La journée commence par le réquisitoire, puis les plaidoiries, comme le raconte Paul Lefebvre pour Antenne 2. Dur le réquisitoire. Trois perpétuités demandées par cet homme grand au visage impassible, l'avocat général Jean-Louis Brignol. Notre société, dit-il, véhicule et nourrit toutes les idées, bonnes ou mauvaises, fétides ou pures. Chaque homme est libre et responsable de son choix. Ces trois-là avaient parfaitement conscience de la terreur qu'ils ont suscitée et ils y ont pris plaisir. Violence gratuite, absolue, tous trois sont également responsables. Dure la défense, dos au mur, qui symbolise face aux jurés, en même temps son talent, notre droit et la dernière chance de ces hommes. Guy de Buisson pour Blondel, ce garçon ne voulait pas tuer. Il a retenu le poignard de Béani, il ne voulait pas ouvrir la porte du wagon, mais il a été enivré par ce poison qu'est l'euphorie de groupe. Georges Catala, autre voix pour Vidal, Ils sont aujourd'hui les pelés, les tondus, les lézardés, les cul-de-jatte sociaux. Ils sont en réalité gangrenés par ce mal social qu'est le racisme, notre racisme. Regardons-nous. Oui, regardons-nous, Jean-Louis Pelletier pour Béhanni, l'homme aujourd'hui prostré qui souriait devant l'objectif. Regardons-nous, mais regardons-nous vraiment, loyalement. Pas d'exorcisme sur trois ombres, pas de défoulement sur eux pour nous excuser. Dur pour les jurer maintenant de faire la part de la passion et de la raison, donc de la justice. Après 2 heures de délibération, le verdict tombe. Marc Béhanni et Anselmo Lévureau-Vidal sont condamnés à la prison à perpétuité. À l'annonce, Marc Béhanni, le plus jeune, le fanfaron qui paradait devant les caméras 2 ans plus tôt, s'effondre. Il faut 8 policiers pour lui faire lâcher la barre et l'amener dans le fourgon. 1 an plus tard, lors d'un nouveau procès, sa peine sera réduite à 20 ans d'emprisonnement. Blondel, le 3e homme, s'en tire avec une peine de 14 ans derrière les barreaux. En 2003, le principe de majoration de peine pour des crimes de haine motivés par un préjugé contre l'ethnie, la nation, la race, la religion ou l'orientation sexuelle est acté. Il y a 30 ans, nous marchions dans la rue contre le racisme. L'épouvantable épisode du train Bordeaux-Vintimille nous rappelait combien cette prise de conscience était importante. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le crime du train Bordeaux-Vintimille, dont nous allons parler maintenant avec notre invité Jean-Baptiste Arand. Bonjour. Bonjour. Alors, le crime dans le train Bordeaux-Vintimille, bien sûr. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste et écrivain. Au moment des faits, vous étiez correspondant pour Libé à Toulouse. Et vous êtes revenu sur cette affaire dans un livre intitulé Bordeaux-Vintimille, sorti 30 ans après. D'ailleurs, c'était en 2013 chez Grasset. Vous êtes romancier. Vous avez écrit des livres de littérature. Et là, vous écrivez un doc sur une histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller aussi loin, écrire un livre sur une histoire, vous replonger dans ce qu'on appelle un fait divers, mais bien au-delà d'un fait divers, bien sûr. Mais curieusement, j'ai l'impression d'avoir fait ça dans la continuité de ce que j'écrivais, ce que vous avez eu la gentillesse d'appeler littéraire. Les derniers livres que j'avais faits étaient des exercices de mémoire et on m'a proposé de raconter dans un livre, une collection qui existe chez Grasset, un fait divers. Et c'est plutôt ça qui m'a motivé, dire de quoi je me souviens, de ce que j'ai pu faire il y a 30 ans. Et évidemment, cette affaire, quand j'étais journaliste, j'ai fait beaucoup de faits divers, mais c'est celle-là qui est venue tout de suite, pour plein de raisons. D'abord pour savoir si je m'en souvenais, pour savoir ce que ça signifiait, cette expression qu'on emploie tout le temps dans ces circonstances, plus jamais ça. Mmh. Et le plus jamais ça, on l'a vu se reproduire d'année en année pendant les 30 ans qui ont séparé l'écriture du livre du fait divers lui-même. Voilà, et puis j'ai pas vraiment joué le jeu de la mémoire parce que ça fonctionne pas bien la mémoire, donc je suis allé aux archives du journal chercher les articles que j'avais fait quelquefois, oui. À l'époque, et c'est assez curieux parce que ça correspond pas toujours. D'abord on commet des erreurs quand on raconte les faits à chaud, parce qu'on n'a pas les moyens de l'enquête, les moyens du recul dans les archives que vous avez fait entendre tout à l'heure. Il y a aussi des erreurs, c'est des choses qui ont été faites sur le coup. Donc c'est tout ça. Mais principalement, c'est Habib Grimsi, je l'ai jamais vu. Moi, j'ai suivi l'affaire depuis le début. Je l'ai jamais vu quand j'ai été sollicité par l'événement. Mais il était déjà mort. Mmh. Et son corps était même peut-être déjà reparti à Oran. Et les seuls que j'ai vus, c'est les assassins dont on a parlé là depuis le début de l'émission. Puisque vous en parlez, parlez-nous de ces assassins. Vous les avez vus dans quelles circonstances et quels souvenirs vous en gardez? Je les ai vus 4 fois. Je les ai vus faire les malins le lendemain du crime au palais de justice de Montauban avec Marc Béhanni qui levait les doigts en V pour marquer une victoire sur Dieu sait quoi, mais il était très fier de ce qu'il venait de faire. Elviro Vidal, dont on a pu comprendre au cours de l'émission que c'était le moins imbécile des cinq, mais enfin en tout cas des trois qui a été condamné. Il commençait déjà à faire grise mine. Je les ai vus au procès, bien sûr, pendant 3 jours. Et entre-temps, je les avais vus assez longuement, mais d'assez loin, à la reconstitution qui a eu lieu, qui était quelque chose de très étrange, parce que c'était le crime a eu lieu la nuit, et c'était en plein midi, sur une voie de garage de la gare de Montauban, avec un soleil pétant, et c'était très étrange. On avait choisi, c'était surréaliste, on avait choisi pour jouer le rôle d'Habib Grimsi, un mannequin féminin et blond, et on le voyait se faire balancer par la portière du train. Cette reconstitution n'a rien donné parce que chacun... Bah, vu les circonstances, oui, effectivement. Chacun des trois protagonistes voulait se disculper d'avoir eu le geste fatal. Et donc, bon, et je les ai vus donc au procès longuement. Puis il y a eu, on l'a dit, Béhanni a fait appel. Enfin, à tout au moins est allé en cassation parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appel pour les assises, en affaires criminelles. Mais son verdict a été cassé, mais pas le jugement civil. Donc il y a eu... C'était un procès beaucoup moins spectaculaire, mais il a obtenu une réduction de peine. Et je les ai vus à ce moment-là, très curieusement, parce que les autres étaient témoins, lui seul ayant fait appel. Elviro Vidal avait appris le français très bien, ce qui n'était pas le cas. C'est pour ça que toutes les citations qui ont été faites, que vous avez lues avec beaucoup de talent, mais on ne comprenait pas ce qu'il disait en 83. Elviro Vidal, il ne parlait qu'espagnol, il connaissait 4 ou 5 mots en français, surtout des insultes d'ailleurs, qu'il a pu proférer. Un peu plus 3 ans après, au moment de son procès à lui, où il a réclamé la peine la plus lourde, mais il n'y avait plus la peine de mort en France, donc il ne l'a pas réclamé. Et au procès, au nouveau procès après cassation de Béhanni, il parlait un français parfait et il a dit des choses comme assez justes. Une phrase, par exemple, qu'est-ce qui... Qu'il n'était pas venu pour demander à ce qu'on reconduise la peine pour Béhanni, qu'il s'en foutait, que c'était une brute, que lui, il était très content d'avoir obtenu cette peine. Il a renouvelé des excuses circonstanciées, puisque son langage s'était délié. Et entre-temps, il avait eu beaucoup souffert en prison, parce que l'étranger... assassin, enfin toutes ces choses. Et puis surtout, il s'est converti au judaïsme pendant son séjour en prison. Ça n'a pas beaucoup plu, quoi. Mmh. Et il se faisait lyncher très régulièrement. Et vous me demandiez tout à l'heure pourquoi 30 ans après j'étais revenu. 30 ans après, parce que ces jeunes-là ont 30 ans de plus, c'est-à-dire qu'ils ont 50 ans et plus. Aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce qu'ils sont devenus. Mmh. Mais c'est étrange, ils ont survécu, pas à Habib Grimzi. Alors, il y a évidemment deux choses qui choquent énormément. C'est l'attitude de l'accompagnateur de la Légion, donc moi, qu'on a traité de déserteur de façon symbolique, mais réel aussi finalement. Donc j'ai rien vu, j'ai rien. Voilà, moi je dormais, c'est pas mon problème. Le déserteur, c'est... Bah, c'est un mot fort, mais voilà. C'est non, pas mais non seulement il est fort, mais je pense qu'il est à contresens, parce que je pense que la Légion l'a bien aidé à ne pas venir témoigner. Alors, bah justement, ouais. Alors attendez, ce que vous dites est important, ça va nous amener à écouter ensemble une archive, on en parlera après, au lendemain du drame, donc il y a des réactions finalement assez peu, l'événement passe assez vite dans le flux de l'actualité, même si on s'en souvient que ça nous frappe aujourd'hui. Parmi les réactions à la radio ou la télé, il y a celle du gouvernement, par la voix de Max Gallo, on l'a entendu, puis la voix de l'armée. Alors voilà, on y arrive. Hein. L'armée qui refuse de porter la responsabilité de ce crime. On va écouter ensemble un extrait de la déclaration du responsable du centre des légionnaires d'Aubagne. Il ne peut pas y avoir de bavure, puisqu'en fait, ces gens-là n'étaient pas encore des légionnaires. Le légionnaire, et la qualité de légionnaire est obtenue seulement à Aubagne après les épreuves de sélection. Et d'ailleurs, ces épreuves de sélection sont très très sévères, dans la mesure où nous prenons à peu près 1500 candidats par an pour 6000 présentations. C'est un ressortissant d'origine algérienne qui a été tué. Or, vous avez des Algériens, bien sûr, des Maghrébins dans bien la Légion. Sûr. Je crois que la Légion en 1983 est une communauté multiraciale. Il n'a jamais été question de xénophobie à la Légion. Absolument pas, absolument pas. Nous n'avons pas de problème racial, si vous voulez. Cet incident s'est passé, enfin ce crime qui est odieux. Nous ne voulons pas supporter les conséquences de soupçons d'attitude raciale, absolument pas. Là, je répète, la Légion est une communauté multiraciale actuellement. Donc voilà, c'est toute la Légion qui déserte ses responsabilités. Complètement. D'abord, c'est inexact, c'est une plaidoirie pour la Légion, ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Les quatre jeunes gens étaient accompagnés par le caporal-chef Logel, qui avait été dépêché depuis Aubagne pour aller les chercher. Tout à l'heure, dans le récit, on dit qu'ils avaient chacun en poche un billet. Je crois me souvenir que non, c'est le caporal-chef qui avait un billet collectif pour les cinq voyageurs. Mmh. Ils étaient sous sa responsabilité. Ils avaient signé un pré-engagement. La Légion, pour certains d'entre eux, avait payé une chambre d'hôtel en attendant l'arrivée du convoyeur. Et Logel, quand il est retourné à Aubagne, a été mis aux arrêts. Donc on avait quand même quelque chose à lui reprocher. Seulement, en 3 ans, ben, d'abord il était à 2 mois de la retraite. Hein. Il avait fait 14 ans et 11 mois de Légion. À 15 ans, il pouvait prendre une retraite. On l'a un petit peu forcé à ne pas se réengager, malgré les slogans « engagez-vous, réengagez-vous ». Mais curieusement, il est venu au procès en cassation qu'il y a eu à Toulouse. En cassation, hein, pas au premier. Pas au premier, non. Mmh. Il est venu au deuxième, je l'ai vu. Il a été, il y a eu l'appel des témoins. Il est venu, il a répondu présent. On l'a emmené dans la salle des témoins et quand les débats ont commencé, il a disparu. Donc on n'a jamais eu le que c'est témoignage un déserteur, quelque part. Hein. Il n'était plus à la Légion. Oui, décidément, il ne me plaît pas, ce mot. J'arriverai pas. Enfin, c'est pas grave. Non, le caporal-chef non plus, il ne me plaît pas. Je vais dire ça, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir entendu Pretenders, Middle of the Road, qu'on écoutait en 1983. Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bae or dropping the bomb on my street. Come on, baby, or get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. big chunk of the bloody third world. The baby's just come with the scenery. Now come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Jean-Baptiste Aron, on a parlé de la Légion, là, à l'instant. Il y a un autre élément qui crée le malaise, me semble-t-il. C'est la réaction, et plutôt la non-réaction, des passagers. Que comment, vous avez travaillé sur cet aspect-là? Ben, on en a retrouvé quelques-uns, pas beaucoup. Ouais. Curieusement, il y a cette dame qu'on a entendue, qui était dans le documentaire de Jean-Charles Degnaud. Et il y a eu au procès deux autres témoins qui étaient là uniquement parce qu'ils avaient voyagé sans billet, donc on avait relevé leur identité pour les verbaliser pour ce voyage sans billet. À Toulouse, c'était sauf qui peut. Quand le train est arrivé à Toulouse, la police était là, il y avait même des chiens policiers pour arrêter les trois, les quatre, mais puisqu'il y en a un qui était descendu à Montauban, enfin c'est des détails, aucun voyageur n'a spontanément témoigné, mais aucun policier, aucun enquêteur, personne du service de sécurité de la SNCF n'a cherché à recueillir le moindre témoignage. Donc il y a cette dame là, italienne, qu'on a entendue, et c'est à peu près tout. C'est la même que moi j'ai trouvée quand j'ai fait les entretiens. Bon, mais j'aurais eu l'air de quoi si j'avais tiré le signal à l'alarme? Il y a quelqu'un qui dit dans votre récit une phrase qu'on peut comprendre. On n'a jamais vu des civils séparés des militaires qui se battent. La lâcheté, C'est compliqué. Souvenez-vous du Thalys, c'est des Américains qui sont venus désarmer. Ah mais c'est compliqué ce genre d'histoire parce qu'effectivement on est interpellé par la non-réaction. En même temps, on se dit, et moi, si j'avais été dans le train, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc, on porte pas de jugement, c'est difficile, hein. Et en même temps, on a envie d'emporter en disant, bon sang, mais il y a un type, un pauvre type qu'on a assassiné, il y avait, je sais pas combien de personnes dans le train, et si les gens s'étaient mobilisés. Il y avait environ 500 personnes dans le train, 500, et il y en avait 95 qui étaient dans les deux wagons concernés. En plus? Ouais. Voilà. Donc, il y en a 95 qui ont vu ou entendu quelque chose. Mais quel regard vous portez, vous? Il y a eu un homme courageux, c'est Vincent Pérez. Oui, on va l'entendre d'ailleurs, on va l'entendre une nouvelle fois, mais on reviendra effectivement sur lui, Je n'ai pas d'explication sur la lâcheté humaine, sauf que j'ai l'impression d'en faire partie, quoi. Donc j'ai pas d'anathème à jeter là-dessus. Évidemment. Alors, puisque vous l'évoquiez, vous avez bien raison, parce que il mérite qu'on l'écoute encore une fois, effectivement, ce monsieur Florent Pérez, qui est le contrôleur. Alors, on l'a entendu, hein, dans Vincent Pérez, on l'a entendu dans le reportage, dans le récit, où il a dit, voilà, je l'ai réconforté. On va l'entendre une nouvelle fois, il s'est exprimé dans un documentaire d'Antenne 2, on disait Antenne 2 à l'époque, qui s'appelait « Silence on tue ». Oui, j'ai été absolument choqué par ce drame. Je le revis encore au plus profond de moi, très cruellement. Ma vie a croisé celle de Grimsy pendant 10 minutes, peut-être un peu plus. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que la relation humaine que nous avons établie pendant ce petit laps de temps était très riche. J'avais placé cet homme en sécurité pour lui épargner des ennuis. On me l'a volé, c'est tout. Qu'est-ce qui vous avait rapproché de lui? On était tous les deux nés de cette même terre d'Algérie. Et c'est déjà important. Et vous sentiez quelque chose passer entre vous, quoi? Absolument, c'était d'abord un homme en difficulté qui avait besoin de réconfort et ce réconfort je l'y avais apporté. Vous sentiez qu'il avait confiance en vous? Absolument. Voilà, un homme courageux, une sorte de juste dans ce train. Oui, on est en 1983, on est 30 ans après les accords d'Évian, mais en fait c'est très court parce que ces jeunes qui ont entre 20 et 30 ans sont les enfants de la génération qui ont fait la guerre d'Algérie. Donc la guerre d'Algérie a une présence importante. Très importante. Ouais. Ce monsieur qu'on vient d'entendre a travaillé en Algérie. Il était à Oran. Les parents de Marc Béhanni sont des pieds noirs, etc., etc. Et même Elviro Vidal, quand son père l'a engagé dans l'armée, il était censé aller travailler avec l'armée espagnole contre les Sahraouis. Donc il y a une présence évidente de ça. Et d'ailleurs très curieusement. On parle des Algériens, on parle des Maghrébins, on ne parle pas des musulmans, on ne parle pas de l'islam. 30 ans après, c'est fait, ce vocabulaire a changé. Puis il y a une autre chose d'époque, c'est alors plutôt à la date du procès, en 86, le procès a lieu quelques semaines avant les élections législatives, les seules à la proportionnelle que a connue la Ve République, qui a conduit une trentaine de députés du Front National à l'Assemblée Nationale. Absolument. La présence de cette campagne électorale était très forte au moment du procès de Montauban. Et donc on a tout de suite parlé de crimes racistes. C'est pas si sûr que ce soit un crime raciste. C'est d'abord un crime. Ces trois personnes ont été condamnées parce qu'ils avaient tué un homme. Ils n'ont pas été condamnés parce qu'ils avaient tué un arabe. C'est une circonstance aggravante, probablement. Mm-hmm. Mais ce sont des assassins avant d'être des racistes. Des racistes assassins. Le racisme débouche sur des délits, mais aussi sur des crimes. C'est compliqué. Je ne sais pas. On a eu à prouver que. Je ne suis pas sûr de ça. Ils le disent à un moment. Les assassins disent un arabe, moi je peux pas les voir ou quelque chose comme ça. On a entendu des tas de choses comme ça. On a entendu exactement le contraire et on a posé la question à Vincent Pérez. À la fin de sa déposition, le contrôleur, un avocat de la partie civile s'est levé et a voulu faire dire à Vincent Pérez que c'était un crime raciste. Il a demandé, est-ce que vous pensez qu'ils l'ont tué parce que c'était un arabe? Et il a répondu, je suis incapable de répondre à cette question, on ne peut pas répondre à cette question. Alors que tous les autres, ceux qui n'ont pas aidé Habib Grimzi, eh ben, ils étaient certains que c'était un crime raciste. Moi, je suis certain que c'est un crime. Enfin, ils s'en sont pris. Il y avait d'autres passagers qui n'étaient pas arabes. Ils se trouvent s'en sont pris un arabe. Non, je parle, vous vous contrez, mais j'essaie de comprendre. D'accord. J'essaie de comprendre. Oui, mais j'espère que s'ils avaient assassiné un Auvergnat, ils auraient été quand même condamnés. Ah oui, non, mais c'est pas le problème. Mais on est bien d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais voilà. Vous avez cité Pelletier et Catala dans leur plaidoirie, dans votre récit, à juste titre. Je pense qu'ils disent quelque chose de très fort quand ils disent on va pas, nous, se disculper de notre éventuel racisme au prétexte qu'on ne tue pas les Arabes. On peut être raciste sans tuer des gens. Alors, on va terminer par une anecdote. Il ne reste plus beaucoup de temps. Mais là, il doit voir il vient, c'est terrible, il vient pour voir une jeune fille, Florence. Hein, il rêve cette jeune fille, sauf qu'elle a déjà quelqu'un. Bon, ça, c'est un petit drame, évidemment, par rapport à ce qui lui arrive. Je crois qu'il voit une autre personne. Hein, il demande de prendre une photo de lui. Il dort une fois chez les parents. Enfin, c'est votre récit. J'ai pas tout à fait la mémoire de ça. C'est très loin. Mais en revanche, je me souviens qu'il a dormi aussi une nuit à l'hôtel à Bordeaux. Il avait demandé l'adresse d'un hôtel à un passant dans la rue qui se trouvait aussi être quelqu'un qui avait habité Oran. Et cette personne s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul, je vais l'inviter, il va le voir à l'hôtel, et il l'invite à venir partager son repas chez lui. Et Habib Grimzi demande à être pris en photo à côté de la télévision chez cette personne. Merci Jean-Baptiste Aron, merci pour vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le crime raciste dans le train Bordeaux-Vintimille. Oui, j'ai dit le crime raciste. Alors, le crime dans le train Bordeaux-Vintimille, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la vie et la mort du narcotrafiquant Pablo Escobar.